Vous écoutez France Culture. Le Salon Noir. Moyen-Âge est-il cet âge sombre décrit par Jules Michelet, ces Dark Ages des historiens anglo-saxons, cet entre-deux millénaire obscur coincé entre deux brillantes civilisations, l'Antiquité, la Renaissance. Ce temps, c'est bien entendu celui de la peste noire, des rois fainéants et de la guerre de Cent Ans, le temps aussi des bûchers hérétiques. Mais n'est-ce pas avant tout l'époque d'une grande poussée créatrice, pour reprendre le mot de Jacques Le Goff ? Pour en parler, au travers d'une découverte archéologique, Marilyn Martin, Gilles Rollier, bonjour. Bonjour. Bonjour. Archéologue médiéviste, Gilles Rollier, vous êtes adjoint scientifique et technique à l'INRAP. Vous êtes surtout le découvreur d'une très belle machine médiévale dont nous reparlerons. Directrice du chantier de Guédelon, Marilyn Martin, vous faites revivre ce Moyen-Âge à travers la construction d'un château fort du XIIIe siècle au cœur de la Bourgogne, une expérience tout à fait unique en Europe. Mais revenons au fait, Gilles Rollier. Pourquoi cette période fut-elle si longtemps le temps du mépris ? Alors, un salon noir, pour parler d'âge sombre, c'est intéressant, mais je crois que dans le 19e siècle, cette période était conçue comme une période de dégénérescence de la culture, et notamment de la culture antique. Et bien sûr, beaucoup plus tard, la Renaissance qui a remis en valeur cette culture antique. Donc, c'est une période complètement déconsidérée. Et les historiens, depuis le 19e siècle, puis les archéologues, associés bien sûr aux historiens, n'ont cessé en fait d'éclairer cette période. Alors, dans différents domaines et notamment dans celle de la culture technique. On peut dire qu'aujourd'hui, les archéologues ont désormais un rôle à jouer, Gilles Rollier ? Oui, ils ont un rôle à jouer aux côtés des historiens, puisqu'ils apportent assez quotidiennement des données vont apporter des éléments à la connaissance de cette période médiévale et des données qui peuvent parfois bousculer des partis pris, des hypothèses qui avaient été précédemment élaborées. L'archéologie médiévale, c'est la plus récente des archéologies. C'est curieux, elle n'aurait même que 30 ans, c'est très très peu. C'est très très peu. Alors c'est lié au fait que c'est une période qui connaît l'histoire. Donc on a énormément de documents, de textes, d'iconographie. Et au départ, ces données suffisaient en fait pour comprendre cette période. Et finalement, l'archéologie qui est très récente, l'archéologie médiévale est très récente. J'en suis la deuxième ou troisième génération. Et bien, cette archéologie apporte énormément sur la vie quotidienne, sur le non-reçu de l'histoire. C'est-à-dire, l'histoire s'occupe de certains textes, des textes qui sont ce qu'ils sont, qui sont importants. Et l'archéologie apporte des données complémentaires ou des données que l'histoire ne peut pas fournir. C'est une petite révolution pour ce Moyen-Âge, entraînée par les archéologues ? Alors, révolution, on ne va pas parler de révolution, puisque on fait partie d'un grand corps des travailleurs de l'histoire. Les historiens ont aussi avancé dans leur domaine, donc je pense que c'est toutes les sciences historiques qui marchent en avant et qui, par leur nouvelle compréhension, de nouvelles méthodes aussi. Leur complémentarité arrive justement à donc une nouvelle conception d'une période, une nouvelle appréciation de cette période qui est très riche. Marilyn Martin, votre projet de château est aussi un moyen de montrer un autre Moyen-Âge ? Oui. Oui, exactement comme vient de le dire Gilles. Je crois que nous, Quand on est parti dans cette aventure de construire ce château du XIIIe siècle, période de Philippe Auguste, c'était avec l'idée justement de s'approcher le plus possible d'une réalité médiévale, justement en prenant comme source bien évidemment tous les textes, les iconographies, mais aussi en se rapprochant d'une équipe de médiévistes et surtout en s'apercevant qu'on allait de scoop en scoop. Grâce aux archéologues, c'est-à-dire que vu que cette archéologie était assez neuve, que ce soit l'archéologie du bois ou que ce soit l'archéologie de la pierre, il y avait tout un tas de solutions qu'on pouvait justement tester, tenter, essayer de rater moins mal pour se rapprocher le plus possible d'une réalité médiévale. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous touchez aussi un très large public. Vous êtes, on pourrait dire, presque une vitrine pour la discipline. Ah, c'est gentil de dire ça, mais oui, moi je tiens beaucoup à la visite, je crois que c'est 80 000 enfants dans le cadre de visites scolaires qui viennent à Guédelon, de leur donner cette vision qui me semble pas si sombre que ça du Moyen-Âge, où il y a énormément de choses, comme on va en parler, entre autres cette révolution industrielle au Moyen-Âge, mais de remettre un peu les pendules à l'heure, que ce soit avec effectivement des enfants, comme avec un public vaste, puisque Guédelon c'est vraiment le lieu universel par excellence. Gilles Relier, venons-en à votre découverte. Nous voici sur quelques tracés de voies de chemin de fer ou d'autoroute où, archéologue préventif, vous tentez de sauver un petit bout de passé. C'est bien ça votre mission? Alors le petit bout de passé, oui, je vais parler tout de suite de cette découverte hein, puisque c'est l'objet de ce salon noir. Donc découverte en fait de deux moulins hydrauliques sur le tracé d'une ligne à grande vitesse donc, qui relie Dijon à Mulhouse. Donc un tracé sur lequel a été fait un certain nombre de chantiers en archéologie préventive donc par l'INRAP. Donc, ce chantier a fourni donc au droit de la ville du village de Tervet deux moulins hydrauliques, un moulin carolingien qui est très mal conservé, mais bon, qui est là, et puis un moulin qui est daté entre le milieu du XIe siècle et la fin du XIIe siècle et qui est suffisamment bien conservé pour que puisse être envisagée donc sa restitution. Vous avez fouillé dans des conditions, semble-t-il, très difficiles durant l'hiver 2008. Vous mettez au jour des mécanismes sous la forme d'environ 250 planches et des bouts de bois, c'est bien ça, au départ? Alors, 250 planches, des bouts de bois, de jolis bouts de bois, hein, donc des fragments de mécanismes, donc des fragments d'engrenage, des pales de moulins, différents types de pales d'ailleurs avec des évolutions, des fragments de meules, on n'a pas que du bois, hein, bien que ce moulin soit essentiellement construit de bois, puisqu'un moulin, c'est du bois, c'est bien sûr une paire de meules, et les paires de meules sont faites à Tervet en grès, et puis c'est une pièce en fer, enfin deux pièces en fer, c'est le fer à moulin qu'on n'a pas retrouvé puisqu'il a été vraisemblablement récupéré, et l'anille qui est une pièce qui est encastrée donc dans la meule tournante et qui permet le mouvement de la meule. Qu'est-ce qu'on pense immédiatement, et qu'est-ce que peut en penser immédiatement un médiéviste qui s'intéresse à l'eau quand il découvre une telle machinerie, vais-je dire? Alors, c'est une machinerie déjà au niveau, donc au moment de la fouille, machinerie difficile à sortir, extirper de la boue, hein, puisqu'on travaille en bord de rivière, en hiver, donc pas forcément mais dans des conditions climatiques les plus favorables. Donc, mais progressivement, se tisse au fur et à mesure de l'évolution du chantier, se tisse cette machine, et machine qui prend corps lors de l'analyse. Une construction qui est de petite dimension, hein, qui fait 4 mètres sur 3 à peu près, donc de toute petite machine en bois, que la rivière a un peu bousculé, hein, puisque la rivière reprend ses droits à un moment donné. Donc la machine a disparu à cause de l'homme, puisque certaines pièces ont été récupérées. Et après, la rivière a bousculé les bois et les a flottés. Hein. C'est une des particularités des sites de bord de rivière. On a visiblement plusieurs moulins sur cette rivière. On peut penser donc que cette rivière est une rivière à moulins? Alors les rivières en moulins, il y en a beaucoup hein, dans l'Europe médiévale. Ce que l'on voit, c'est que ce sont déjà de petits moulins. Alors, c'est un petit ruisseau aussi. C'est un petit ruisseau, c'est de tout petits ruisseaux. Et on n'imaginerait pas aujourd'hui installer des moulins sur ces petits ruisseaux. Le ruisseau de Tervet est très proche du ruisseau qui est utilisé pour le moulin de Guédelon. Et on s'aperçoit que ça marche, ça fonctionne très bien. Donc voilà, alors ce que l'on peut dire quand même sur ces sites de moulins, c'est qu'on va voir à Tervet deux moulins qui sont à 12 mètres l'un de l'autre, mais qui ne sont pas sur la même rivière. La rivière a évolué, donc la rivière carolingienne s'est obstruée, donc c'est bouché, c'est devenu un paléochenal. Et puis le nouveau moulin, le moulin seigneurial, s'est installé sur des nouvelles installations liées à un nouveau cours d'eau. Donc là, c'est très intéressant parce qu'il semble qu'à une période, donc pour le Haut Moyen-Âge, puisqu'on commence à avoir des découvertes sur le Haut Moyen-Âge, eh bien, ces moulins sont installés sur des cours d'eau qui ne sont pas fixés, ce qui ne sera plus le cas après coup, puisque donc, alors à la charnière, on a du mal à la saisir, mais vraisemblablement, on parle de la révolution de l'an 1000, donc dans cette période, on va dire de l'an 1000, 11e siècle, eh bien, on sent qu'on va vers une fixation du cours d'eau, et aussi, bien sûr, fixation des moulins. Votre ruisseau à Guédelon est fixé. Vous l'avez bien préparé, toutes les planches tout autour, pour que l'eau soit bien canalisée. Alors nous, effectivement, on s'est installé sur le ruisseau. Alors je reviens un petit peu, moi, sur la découverte du chantier de Tervet, parce que quand je suis allée les voir sur le chantier de Tervet, c'était incroyable. Ils étaient dans une boue pas possible. Ils travaillaient dans des conditions incroyable. Et puis, d'un seul coup, on a vu un bout de lanterne, une pale de moulin, une partie de la roue, une partie du rouet. Et on s'est dit, ça y est, on y va, quoi. Il suffisait d'avoir vu ces pièces pour avoir envie immédiatement de partir dans cette aventure. Et d'un seul coup, de se dire, mais ça va être incroyable, on va partir de leur travail, de tout ce qu'il y a, de cette équation à de nombreuses inconnues, puisque finalement, avec quelques pièces de moulin retrouvées, on va se donner l'ambition d'en faire tourner un. Et moi, j'avoue qu'au moment où j'ai vu le chantier, l'idée du moulin était partie. Après, vous parliez de l'état du ruisseau. Alors, c'est vrai que ça fait partie aussi du travail qu'on a fait avec Pierre Mille et Gilles Rollier, de définir l'emplacement du moulin et de se remettre dans une situation de bâtisseur de moulins médiévaux, ce qui nous a valu quand même pas mal de tergiversations pour arriver à définir effectivement la pente, la réserve en eau, sans qu'il y ait d'impact sur l'espace naturel. Et donc, à partir de ce moment-là, on a commencé à travailler. Alors, vous savez que chez nous, comme le disait Pierre, le travail du moulin, c'est 95% travail de charpente. Donc là, il a fallu définir l'endroit, mais il a fallu aussi aller dans la forêt pour trouver les pièces, pour trouver les bois courbes pour faire les roues correspondant au cahier des charges de Tervet. Gilles Rollier, on sait que Vitruve distinguait deux catégories de moulins mus par l'eau. Toutefois, dans ce domaine des techniques, existe-t-il une rupture ou une continuité entre Antiquité et Moyen-Âge ? Alors, vaste question pour les moulins, tout simplement parce que le nombre d'items de moulins pour l'instant découverts au niveau européen est quand même très faible. Donc le corpus, on joue sur un corpus qui est de quelques... Alors au niveau européen, bon, j'ai plus le chiffre en tête, mais pour le territoire national, on est à une petite quarantaine d'installations placées sur un spectre chronologique qui est très vaste, donc qui est du premier siècle de notre ère, voire un peu avant, jusqu'au XIVe siècle. Donc, envisager des ruptures, des continuités, c'est difficile. On sait quand même qu'il y a des évolutions techniques. Et il y en a trois que je pourrais citer. La première évolution technique, c'est le passage d'une machine à rythme lent vers une machine à rythme rapide. C'est-à-dire que les moulins antiques, en fait, ont des vitesses de meule qui sont très lents. Donc des moulins à roue verticale, donc avec un engrenage, et la roue réceptrice qui entraînera directement la meule est plus importante que la roue émettrice. Ensuite, il y a une inversion. Alors cette inversion, elle se déroule quelque part dans les débuts du Haut Moyen-Âge, vraisemblablement, peut-être avant, on ne sait pas bien, où tout d'un coup, on a une roue réceptrice plus petite que la roue émettrice. Donc là, à ce moment-là, on va avoir une vitesse de rotation de la meule qui est une multiplication de la vitesse de rotation de la meule. Et je sais qu'à Guédelon, on cherchait à avoir absolument les 60 tours minutes. On n'y est pas encore. Et je ne pense pas qu'il faille aller vers 60 tours minutes, justement. Donc là, on a une rupture véritablement dans la technique. Ensuite, on voit très très bien apparaître des évolutions qui tournent autour de l'an 1000, puisqu'on reste, malgré ce qu'on connaît maintenant des moulins, on reste justement toujours sur cette phase importante de l'an 1000, enfin le 11e siècle, 10e, 11e siècle, où on va voir des évolutions sur les roues, sur le moteur. Donc, au Moyen-Âge, on va avoir des petits trous avec des pales qui sont de petites dimensions, qui sont faits d'une seule pièce, qui sont monoxyles. Et à partir du 10e, 11e siècle, on le voit à Tervet, mais on le voit sur d'autres sites, par exemple à Audin-le-Tiche, en Lorraine, fouillé par un collègue de l'INRAP. Eh bien, on voit l'évolution vers des pales assemblées qui permettent surtout d'avoir des sections mouillées de plus en plus importantes et qui vont donner, cette technique va pouvoir permettre les grandes roues hydrauliques de la période moderne. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle Marie-Line Martin, Gilles Relier, que vous êtes respectivement archéologue médiéviste à l'INRAP et directrice du chantier de Guédelon, notre sujet, la découverte et la reconstitution donc d'un moulin médiéval. Rappelons que Robert Fossier pensait que le haut Moyen-Âge n'était absolument pas en mesure de déployer la technique du moulin à eau. Alors, Robert Fossier a évolué, donc comme beaucoup d'historiens, puisque on partait du principe qu'il y avait franchement eu une révolution dans la mise en place du moulin hydraulique, donc vers l'an 1000. L'archéologie, mais aussi des historiens qui ont retravaillé les textes, je pense à quelqu'un comme Dietrich Lohrmann, Étienne Champion et d'autres, Sylvie Coccanas, ont bien mis en évidence que pour la période carolingienne, il existait, le phénomène moulin existait, peut-être plus qu'on ne l'imaginait, donc qu'il y avait, que cette utilisation d'une machine productive existait dans le Moyen-Âge. Alors, donc ensuite, on n'en est plus là. On sent très bien que ce phénomène existe depuis l'Antiquité, qu'il y a des évolutions techniques. On va vers des machines de plus en plus productives. Et je pense que là on reste pour le 10e, 11e siècle sur une rupture. C'est-à-dire qu'on va véritablement sur des grosses machines. Bien qu'au Moyen-Âge, on peut très bien envisager par rapport aux artefacts qui ont pu être trouvés, qu'il existe aussi des machines de grosse capacité. Et peut-être qu'ils ne font pas que moudre du grain, puisque une roue hydraulique peut faire fonctionner beaucoup d'outils. Donc on parlait par exemple pour l'Antiquité, le système bielle-manivelle peut être utilisé dans la scie hydraulique. On se pose la question pour le système d'arbre à cames. Donc voilà, des techniques qui théoriquement devaient apparaître beaucoup plus tard. On dit souvent que le village médiéval est né grâce à l'église, le château, le cimetière, je rajouterai le moulin. Alors, c'est une question. Là, pour l'instant, on ne peut pas y répondre. Moi, j'étais confronté à cette question pour la vallée de la Grône, donc proche de l'abbaye de Cluny, où les moulins qui ont persisté sont situés à proximité des villages. Et les moulins qui ont persisté sont situés aux endroits où la rivière, donc qui est la Grône, a son meilleur potentiel. Tous les autres petits moulins ont disparu. Donc des moulins qu'actuellement j'essaye de retrouver dans des programmes de recherche. Et on peut se poser la question, je ne suis pas le seul, de savoir dans quelle mesure le moulin a aussi participé à cette création du village médiéval. Et puis rappelons que certains historiens évoquent l'esclavage comme un frein réel au développement d'outils très productifs. On s'aperçoit à travers les découvertes de l'Antiquité, des 25 par exemple découvertes de moulins, enfin peut-être un peu plus de 25 maintenant sur le territoire national, que le moulin a été utilisé notamment dans l'espace de la villa. Que les possesseurs de villas n'hésitaient pas à utiliser des machines productives. On sait qu'aussi les agronomes latins, alors je crois que c'est Palladius signale que que l'esclave peut servir à autre chose qu'à faire tourner un moulin à 100 et qu'il faut peut-être envisager d'installer un moulin hydraulique dans le domaine. Les moulins que vous avez trouvés à Tervet, ils appartenaient à qui ? Alors, au clergé peut-être ? Pas dans un premier temps. Alors là, c'est une des particularités de Tervet où on a pu pratiquement faire la conjonction entre les textes et l'archéologie, entre l'histoire et l'archéologie. Le moulin Tervet a appartenu à une famille seigneuriale, qui était la famille de Tervet, qui avait son lieu de pouvoir, donc une motte féodale, à 600 mètres du moulin. Donc on retrouve d'ailleurs cette situation sur Guédelon. Et dans le XIIe siècle, ce moulin a été possédé par les moines cisterciens de l'abbaye d'Assé. Qu'en est-il pour votre château de Guédelon, Marilyn Martin ? N'est-ce pas avant tout l'aspect technologique qu'il faut découvrir dans cette grande restitution ? Si, je crois que c'est le but. C'est-à-dire que quand on se met en situation d'archéologie expérimentale, c'est bien pour se mettre en situation et d'imaginer comment on bâtissait. Donc si je reviens sur le château, c'est d'imaginer les engins de levage, c'est d'imaginer toutes les situations de construction sur lesquelles on doit apporter une solution médiévale, que ce soit effectivement dans le coffrage d'une voûte à croisée d'ogives, que ce soit dans ces fameuses cages à écureuils qui permettent de monter des charges. C'est aussi comment est-ce qu'on monte une solive de plusieurs centaines de kilos à 28 mètres du sol. Ça, c'est toutes les problématiques de Guédelon. C'est ce qui nous fait marcher chaque jour et ce qui fait aussi qu'on en arrive à vouloir construire un moulin. C'est-à-dire que le moulin entre Tervet et aujourd'hui, Gilles parlait de ces fameux 60 tours minutes. Je crois qu'il y a un moment où c'est la musique du moulin, c'est ce que ce moulin va générer. Quand les meules vont bien fonctionner, il y a un moment où on va l'entendre, ça va être quasiment sonore. Et puis ce sera aussi le produit, la farine qui sera produite, qui nous dira ça y est, on est bon. Tant que ça, on n'y arrivera pas. On ne cherchera pas les 60 tours minutes, on cherchera à produire comme au Moyen-Âge, produire comme devait produire ce moulin de Tervet. Aujourd'hui, vous en êtes aussi dans la construction de la tour qui monte de plus en plus. C'est un projet qui a à peu près 25 ans et qui monte grâce à cette drôle de machine que l'on appelle la cage écureuil, c'est bien ça ? Oui, les cages écureuils, bon, on en a trois sur le chantier, mais il n'y a pas que ces solutions-là pour monter les charges ou pour monter, par exemple, cette année, on est sur le très beau programme de la chapelle du château, la chapelle castrale, donc au premier étage d'une tour, donc avec un très beau programme de taille de pierre, très beau programme de mise en œuvre de chantier. Donc ça, vous savez, quand on croise l'iconographie médiévale, les enluminures de chantier, etc., et puis qu'on voit ce qu'on fait, on se dit que bon, de voûte en voûte, de situation de construction en situation de construction, on se rapproche, on commence à sentir qu'on fait ça avec énormément de sérénité et j'ai envie de parler de la transmission, c'est-à-dire que on se demande au fil du temps, plus les années passent à Guédelon, on se demande si c'est pas la transmission de maçon en maçon, la transmission de charpentier en charpentier qui a fait que le montage de voûte devient complètement spontané et non pas forcément une démarche intellectuelle ou d'élite. Guédelon est bien entendu un projet un peu fou, un de ces projets pour lequel les archéologues et les historiens ont été perplexes. Oui, faut le dire. C'est peu dire. Oui, le démarrage de Guédelon, bon, c'est parti très très vite. Ce projet est parti très très vite avec une équipe de castellologues comme Nicolas Fauchère et Christian Corvisier qui ont été au démarrage de ce projet. Et puis, on a mis quand même du temps. Hein, c'était notre premier château fort, donc on avait besoin de faire nos preuves. Et puis, effectivement, d'année en année, on a vu des amis scientifiques se rapprocher de nous et c'est vrai que maintenant je crois que on est devenu quasiment fréquentable. Alors revenons à notre moulin de Tervet qui coule maintenant, qui marche depuis environ une semaine donc à Guédelon, ou du moins ça réplique. Tout doit commencer par quelques bûcherons à la recherche de bons arbres, mais notre forêt est-elle la même qu'au Moyen-Âge aujourd'hui ? Alors cette expérience d'archéologie préventive nous a permis d'avancer hein, dans la connaissance du moulin de Tervet déjà. Hein. Je crois que des hypothèses qui n'étaient pas très étayées donc ont été confortées par cette expérience. On s'est aperçu aussi qu'on ne pouvait pas reproduire le moulin médiéval totalement. C'est-à-dire que certaines pièces de bois qui sont taillées dans des bois courts, je pense notamment à une pièce qui appartient à la jante de la route. Hein. La jante de la roue de Tervet est composée de 4 éléments, dont 2 éléments qui font un tiers de la courbe. Sur une courbe qui fait 1,90 m de diamètre. Et on a été dans l'impossibilité de trouver le bois correspondant. Donc il a fallu faire une roue à plus de 4 courbes. Tout simplement parce que la gestion des forêts actuellement ne permet plus la persistance des arbres ayant des courbures importantes. Donc on cherche l'agrume droite, mais on exclut de la vie de la forêt des bois qui auparavant servaient pour les amoulancheurs, donc pour les constructeurs de moulins, et servaient aussi par exemple pour les charrons. Donc on n'en a plus, ces artisanats n'existant plus. Donc l'économie du bois est en partie sur d'autres programmes, on n'a plus ces bois courbes. L'expérimentation en archéologie, c'est bien entendu se confronter à des difficultés. Parfois échouer, il arrive qu'en fin de compte, certaines machines ne marchent pas. Alors ça peut arriver, c'est toujours c'est un pari. Je pense que le moulin de Guédelon a été un sacré pari. Ça a fonctionné parce que du côté des archéologues, on avait déjà des hypothèses bien précises. Et du côté de Guédelon, parce qu'il y avait un sacré savoir-faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas isoler. L'archéologue reste sur, finalement, des hypothèses qui sont étayées, qui sont théoriques. Et de se frotter à des gens de savoir-faire qui essayent de réexpérimenter les gestes a permis, justement, cette réussite. C'est une réussite, une vraie réussite. Mais quelquefois, ça ne marche pas. Et quelquefois, ça ne marche pas. Donc, on connaît des machines hydrauliques qui ont été produites par des archéologues qui n'ont pas fonctionné. Aujourd'hui, et depuis une semaine, donc, le moulin est en eau. Un moment important, bien entendu, qui va nécessiter quelques réglages. Qui nécessite depuis quelque temps un déréglage. Parce qu'effectivement, comme vient de le dire Gilles, on a eu l'impression de faire tout bien. Et puis, il y a un moment, on parlait des 60 tours minutes du moulin, on en était loin. Mais surtout, il a fallu passer énormément d'énergie à régler, à redémonter chaque pièce, à retrouver l'engrenage, à assembler, à faire que les meules fonctionnent, à régler tout un tas de paramètres dans ce moulin, les surfaces de frottement, etc., pour arriver à ce que ce moulin tourne. On a eu aussi, là aujourd'hui on parle de ce moulin qui tourne, mais on a eu aussi des angoisses, on a eu des moments où on avait l'impression que ce moulin était exactement celui du cahier des charges, mais qu'il n'était pas prêt de faire de la farine. Aujourd'hui il en fait. La durée de vie d'un moulin médiéval, c'est à peu près combien de temps ? Alors, ce que l'on voit, on le voit très très bien à Tervet, on est sur des durées de vie, donc ces petites machines soumises à l'humidité, au cru de la rivière. Donc on est sur des machines qui ont à peu près une durée de vie d'une centaine, 150 ans, 100 à 150 ans, d'après ce que l'archéologie donne. Pour Tervet, en plus, on sent très bien que la machine a disparu parce que les conditions socio-économiques ont été modifiées. Est-ce une machine productive, Marilyn Martin ? Tout dépend de ce qu'on appelle produire. Elle est rentable, hein, enfin, ça produit vraiment du blé, ça produit de la farine, je vous le confirme. Productif, c'est un mot que nous, on ne connaît pas trop bien. Ce qu'on sait, c'est que la machine, à partir du moment où elle produit de la farine, on est dans le cahier des charges. On n'est pas en train de lancer une marque de farine à Guédelon. Vous avez d'autres projets ? Il n'y aura pas que le moulin de Meunier de Tervet sur ce petit ruisseau ? Non. On aimerait déjà voir arriver un beau projet de forge à martinet. Là où il y a un moulin, en général, il y en a plusieurs, comme Gilles vient de l'expliquer. Donc la force hydraulique, ça peut être générateur de tout un tas de techniques. Effectivement, le travail du fer nous intéresserait bien. Marilyn Martin, Gilles Relier, merci beaucoup. À découvrir désormais dans le château de Guédelon, la réplique du moulin de Tervet. Gilles Relier, votre institut vient, semble-t-il, de découvrir un extraordinaire sanctuaire antique en Picardie avec une statuaire d'exception. Nous en reparlerons la semaine prochaine. Place à l'archéologie du 6 juin 1944 du débarquement et de la campagne de Normandie. Rappelons aussi que du vendredi 6 10 au dimanche 8 juin s'ouvrent les Journées nationales de l'archéologie. Plus de 1000 manifestations à travers la France pour découvrir l'archéologie en train de se faire. Partenaire du Salon Noir, la revue Archéologia se consacre ce mois-ci à l'art magdalénien, aux splendeurs de Volubilis, aux Celtes entre Jura et Danube, mais aussi aux mousquetaires. Enfin, la revue publie l'intégralité des programmes des Journées de l'archéologie à lire donc. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Jean-Guilain Mège, attaché d'émission Claire Rivière.